Ça y est, là où j'habite, ma ville depuis tout petit, mon cours depuis toujours. MOMA, notre matricule. MOMA, écris ça avec une majuscule. Juste pour te dire que mon son a l'effet d'une bombe. Pour qu'MOMA ne reste pas dans l'ombre. Chaque seconde, je pense à elle. Mon flow est éternel. Pas prêt de me taire sur cette terre. Je désespère pas. MOMA, roi de l'univers. J'espère juste sortir du lot. Avec Momo sur ma liste. Sortir un disque et que mon rap devienne magique. Je viens de saillir sur la liste. Et je dédicace ma petite Alice. Mettre une saillie sur une instru de Futsuni. Une tuerie avec Oxy, c'est garanti. Je suis de passage dans le quartier pour venir poser mon texte. Et maintenant, je te dis next. En France, sa connexion se lance avec performance. Ajoutez MOMA dans ton influence. De sa Yves, Itagi, Osergi. MOMA pour représenter. En connexion avec le car, j'impose mon style hardcore. J'efface les têtes de porte, m'en se dédicacé. Pour les jeunes de sa Yves, j'ai jamais ressenti Dieu les bandits. J'tiens pas passé pour l'enculé de service. De loin en arrive, MOMA représente. Sa Yves sur la liste dans ton MP3. Je farge MOMA dans la turvoie. Augmente le volume, MOMA avec la majuscule, Momo la menace, ça y la dédicace, t'en passes le passé là, ça trop en forme carré d'as, aujourd'hui à Saï, le phénomène a grandi et Dieu merci, c'est une tuerie venant de Made in Saï.